Est-ce qu'à songer de nous t'es ni 15 ans? Nous t'es tous les deux, nous t'es bien innocents. Moi t'es qu'à garder haut pour t'es qu'à sourire moins. Sans qu'on peut ni chercher, c'était déjà l'amour. Nous t'es préféré attendre les plis souvent. Soleil t'es couché pour nous pas sa rencontrer. Parce personne pas t'es qu'à comprendre que si j'ai nous déjà aimé. Tout le monde t'es qu'à dire nous l'amour c'était pour les plis grands. Fallait nous c'est attendre. Est-ce qu'à songer les nous t'es ni 15 ans? Nous t'es tous les deux, nous t'es bien innocents. Moi t'es qu'à garder haut, nous t'es qu'à sourire moins. Sans comprendre ni chercher, c'était déjà l'amour. Nous t'es préféré attendre les plis souvent. Soleil t'es couché pour nous pas à rencontrer. Parce personne pas t'es qu'à comprendre que si j'ai nous déjà aimé. Tout le monde t'es qu'à dire nous l'amour c'était pour les plis grands. Fallait nous c'est attendre. Laissez chez nous parler. L'amour c'est pas péché. L'air d'un bras moins doudou. Aïe ni personne pas qu'à compter. Laissez chez nous parler. L'amour c'est pas péché. Moins savement pégué trouvé. Plus belle ni plus douce qui vous. Jodi nous ensemble et nous tibouins plus grand. L'amour qu'a diré mais faut nous vigilant. Parce que tout à l'heure tout nous. Ça va douce tous les jours. Jodi nous ensemble et nous tibouins plus grand. L'amour qu'a diré mais faut nous vigilant. Ça va douce tous les jours. Mais l'amour toujours plus fort. Mais c'est chez nous parler. L'amour c'est pas péché. L'air d'un bras moins doudou. Aïe ni personne pas qu'à compter. Laissez chez nous parler. L'amour c'est pas péché. Moins savement péché trouvé. Plus belle ni plus douce qui vous. Les nous que vinivier. Nous que marcher main dans la main. Moins que garder au danzier. Ou que sourire à moi. Les nous que vinivier. Nous que marcher main dans la main. L'amour c'est pour la vie. Tout le ni personne pas qu'à compter. Laissez-moi parler. L'amour c'est pas péché. Moi ça m'en péché trouvé. Plus belle ni plus douce qui vous. Personne pas qu'à compter. Laissez-moi parler. L'amour c'est pas péché. Moi savement péché trouvé. Plus belle ni plus douce qui vous.